Mes chers compatriotes de Belgique et du Congo, répondant à une longue attente, le gouvernement de Bruxelles annoncera aujourd'hui devant le Parlement un programme de réforme qui ouvrira une étape décisive pour les destinées de nos populations africaines. Je crois devoir à la mémoire de mes illustres prédécesseurs, fondateurs et consolidateurs de notre œuvre en Afrique, d'emporter moi-même à votre connaissance le caractère et l'esprit. Le but de notre présence sur le continent noir a été défini par Léopold II. Ouvrir à la civilisation européenne ces pays attardés, appeler leur population à l'émancipation, à la liberté et au progrès, après les avoir arrachés à l'esclavage, aux maladies, à la misère. Continuant ces nobles visées, notre ferme résolution est aujourd'hui de conduire sans atermoiement funeste, mais sans précipitation inconsidérée, les populations congolaises à l'indépendance, dans la prospérité et la paix. Dans un monde civilisé, l'indépendance est un statut qui réunit et garantit la liberté, l'ordre, le progrès. Elle ne se conçoit que moyennant des institutions solides et bien équilibrées, des cadres administratifs expérimentés, une organisation sociale, économique, financière bien assise, aux mains de techniciens éprouvés, une formation intellectuelle et morale de la population, sans laquelle un régime démocratique n'est que dérision, duperie et tyrannie. C'est à la réalisation de ces conditions de base que nous sommes attachés, que nous entendons tous nous consacrer dans un enthousiaste et cordial concert d'efforts avec nos populations africaines. Si nous n'hésitons pas à approuver, à seconder les aspirations de nos frères noirs, nous ne pouvons cependant pas laisser oublier que par 80 années de service et d'efforts, la Belgique a acquis des droits incontestables à leur sympathie et à leur coopération loyale. Notre tâche de guide et de conseiller, à nous, métropolitains et blancs du Congo, doit se poursuivre tout en se transformant et s'atténuant à mesure des progrès réalisés. Au demeurant, loin d'imposer à ces populations des solutions toutes européennes, nous entendons favoriser des adaptations originales répondant au caractère propre et aux traditions qui leur sont chères. À cet égard, une large décentralisation conjuguée avec une extension rapide du système électoral et l'abandon de toute discrimination entre noirs et blancs permettra de hâter et de diversifier l'épanouissement des régions selon leurs particularités géographiques, culturelles, raciques, ainsi que leur développement économique. C'est là, croyez-moi, mes chers compatriotes de Belgique et du Congo, une voie dans laquelle il faut s'engager avec foi et générosité. Un dessein grandiose et fier que nous mènerons à bien si nous joignons à la communauté de volonté et de discipline la claire vision de l'avenir prospère de nos deux pays.